بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut, celui qui crée et agence harmonieusement, qui détermine le destin puis guide, qui fait pousser le pâturage, et en fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce que Dieu veut bien. Certes, il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Nous te ferons suivre la voie la plus facile. Alors rappelle, si le rappel est bien utile. Quiconque craint Dieu s'en souviendra, et le grand malheureux s'en écartera. Qui affrontera le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussira certes celui qui se purifie, qui invoque le nom de son Seigneur et qui accomplit ses prières. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Mais vous préférez la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est bien meilleur et plus durable. Ceci se trouve dans les premières feuilles, celles d'Abraham et de Moïse.